Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Est-ce que tu aimes les cheveux gras ? Non. Ah non, t'aimes pas trop. Est-ce que tu aimes les drive-in ? Ah, oui. Ouais, oui, ça t'aime bien. Ouais. Et est-ce que tu aimes Tom Cruise ? Oh yes, baby. I feel the need for speed. I want the truth! First, take a big step back. And literally fuck your own face! All I'm saying is I want to be treated like a human being! Respect the cock! I'm a Vietnam veteran! Thank you, man, does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You? Last chance to walk away. Bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Alors aujourd'hui, épisode 2, nous allons parler du film The Outsiders, ou Outsiders en français ou en anglais, je ne sais plus, de 1983 de Francis Ford Coppola. Alors, Serena, est-ce que tu avais déjà vu The Outsiders? Non. Et alors, du coup, t'as eu envie? Ça t'a donné envie un peu ce... Oui. Bah, la brochette d'acteur, même pas connue à l'époque, mais oui. Les revoir aujourd'hui, tu t'es dit, ah waouh, il y a lui. Et oui, ils étaient tous là. En plus, Coppola, quand même. Et oui. Donc, je m'attendais de grandes choses. Et alors, est-ce que tu es déçu ou pas? On va bien le voir. Plus tard. Et toi? Et moi non plus, je n'avais pas vu. Effectivement, c'est assez impressionnant de voir toute cette brochette-là. C'est impressionnant, quoi. Après, j'ai regardé la bande-annonce. Par contre, la bande-annonce, c'est pareil. Hein, ça joue sur ça. Alors, je ne sais pas si c'était une bande-annonce d'époque, mais tu as vraiment écrit en gros Francis Ford Coppola. Et puis après, tous les acteurs, Matt Dillon, Patrick Swayze, tout ça, machin. Et waouh! Mais il n'y avait pas de scènes de film. Et il y avait très peu de scènes, mais c'était pas. Ouais, ça m'a pas. Du coup, ça m'a pas donné plus de trucs que ça. Bon. On se fait un petit résumé du film. Allez. Ouais, enfin, un petit. C'est un film un peu long, un film de un deux heures. Oui. Si vous l'avez pas déjà vu, on va vous spoiler à peu près tout. Spoiler, ouais. Donc, et voilà. Puis, y a de quoi spoiler. Mais, vous pouvez aller le voir, hein, déjà. Oui. Puis vous faites une pause, vous le voyez, vous revenez. Vous revenez. Très bien. Alors, on est. Au fin fond des États-Unis, Oklahoma, en plein milieu, bam. Tulsa, les années 1965. Ouais. Donc, effectivement, Gomina, belle voiture, drive-in, des nanas, très stigmatisées, très stéréotypées. Oui. Tout ça. On a à Tulsa, apparemment, du coup, il y a une société, disons, plus des riches. Les enfants des riches qui habitent au nord ou au sud, je me rappelle. Je sais plus. Je confonds avec dans Karate Kid, c'est pareil. Il y a ceux du nord et ceux du sud. Je sais plus. C'est les riches, ils sont au nord. On aurait dû voir ça. Bon, bref. Voilà. Il y a une partie de la ville qui est dominée, disons, par les riches, les gamins qui s'habillent bien, qui sont stylés, qui ont des grosses bagnoles trop stylées. Et après, il y a les pauvres. Donc eux, ils sont appelés les sochis. Et puis, il y a les gamins des pauvres, dans des situations assez... Des fois, ils n'ont pas de parents, même. Oui, qui n'ont pas des parents, qui ont des parents violents. Ils sont dans des bidonvilles, un peu, enfin, des maisons qui ne tiennent pas trop debout. Oui, dans des périphéries un peu moches, quoi. Un peu tristes, quoi. Tristes et moches. Et c'est les enfants qui s'habillent avec la gomina, qui ont des petites vestes en cuir. Des petites vestes en jeans sans manches, tout voilà. Ça. Qui fument des clopes. Ça, ils fument des clopes tout le long. ils ont 13 ans, mais ils fument des clopes tout le long. Voilà. Et donc, c'est la guerre entre les deux groupes. Et eux, ils s'appellent les Greasers. Ah, les Greasers. On pourrait traduire par les graisseux. C'est pas super sympa. Non, c'est pas très joli. C'est pas beau. C'est par rapport à leurs cheveux. Quoi. Oui, voilà. Ils ont les cheveux gras. Et ils se moquent les uns et les autres de leur façon de s'habiller et d'être. Même. Ouais, puis ils se moquent, mais ils se foutent même sur la gueule. Sur la gueule. C'est très violent. Ouais, des poignards, des machins. Enfin, c'est... C'est, ça va pas. Oui. Un peu garde-gang, quoi. Oui. Donc, nous, on suit l'histoire de Ponyboy, Curtis, qui est l'enfant, qui a un enfant sans parents, qui vit avec ses deux frères, qui a un nom un peu bizarre. D'ailleurs, l'autre frère, il s'appelle Soda Pop. Au moment du film, ils le disent, Mon père avait des goûts trop bizarres. Oui, ta Soda Pop et Pony Boy. Alors, le plus grand s'appelle Darrell, ça va encore. Et ça après, va. Il s'est dit, parti en roue libre, Soda Pop et Pony Boy. Pony Boy. Okay. Darrell, c'est le grand frère un peu qui gère la baraque, qui du coup, il a trop peur que les deux autres frères ils soient envoyés dans des foyers. Mm. Donc, qui est un peu sévère avec notamment le petit, le plus petit, petit, donc Pony Boy. Parce que Soda Pop, lui, il travaille aussi. En fait, Darrell travaille et Soda Pop va aussi travailler. Enfin, ils se débrouillent un peu comme ils peuvent. Tous les trois, ils sont reconstitués leur famille et ils se débrouillent. Quoi. Et donc, Pony Boy, il est entouré du coup de ses deux frères qui font partie de des Graisseurs. En fait, ensuite, les groupes des Graisseurs, de Graisseux. Les Graisseux. On va les appeler les Graisseux. C'est plus facile. C'est plus facile. Donc, Pony Boy, Soda Pop, Darrell. Puis il y a Johnny, qui c'est un des plus petits avec Pony Boy, c'est les deux. C'est deux plus jeunes. C'est deux plus jeunes. Johnny qui a des parents horribles. Ouais, ils ont l'air horribles, c'est pas. On les voit jamais, mais alors on les entend. Si on voit sa mère un moment, mais elle est affreuse. Ouais, ils se tapent sur la gueule, ils sont alcoolos tous les deux, ils s'en foutent de leur fils et il est désespéré à la recherche de leur amour, mais ça marche pas. Ça marche pas. Voilà. Et puis il y a Two Bit. Two Bit. Qui est fan de Mickey. C'est vrai, c'est, ça m'a temps, trop étonné. Il a tout le temps son t-shirt Mickey et quand ils sont à la maison qu'ils s'emmerdent, ils regardent les cartoons de Mickey et il est comme un dingue. C'est trop bizarre parce qu'ils font trop les bad boys, ouais, mais ils regardent Mickey. Et lui, c'est le comique de la bande un peu, c'est celui qui, oui. Est, qui est un c'est peu, un peu les cons, drôles, ouais, au cœur gentil, voilà. Qui s'occupe de ses petits, des petits. Puis il y a... Steve celui Randall. Nous, celui qui nous intéresse le plus, finalement. Steve Randall. Qu'on ne verra pas assez, mais... Pas assez. Qui est notre cher Tom Cruise. Ouais, parce qu'on va quand même faire rapidement le casting, mais y a donc... on a Patrick Swayze, qui joue donc le grand frère, avec Rob Lowe, qui fait le moyen frère. Thomas Howell, qui fait Pony Boy. On a Ralph Macchio, qui fait Johnny. Et Emilio Estevez qui fait Two Bits. Et on a oublié les plus importants, Dallas. Et Dallas. Qui est joué par Matt Dillon. Et Dallas, alors lui, c'est celui de la bande, mais c'est le dur. Il vient de sortir des prisons. C'est en deux tôles, c'est lui qui est branché dans les trucs un peu louches. Il va dans les bars malfamés. Enfin, lui, c'est vraiment la caution rebelle et criminelle. Hors la loi. Ouais, c'est hors la loi. Parce qu'on a l'impression que dans cette société, c'est très accepté de se taper sur la gueule, oui. Mais pas sortir des armes. Oui, c'est ça. Voilà, il y a un petit truc, on ne comprend pas. c'est une limite comme une autre, hein, après voilà. Tout. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Bah là, oui, là, c'est parti. Hein, c'est parti, ça spoil, bon, on va le dire. Donc, on se rend compte assez vite qu'il se tape sur la gueule tout le temps. Qui ne s'aiment pas, les Griseurs et les Sochis. Qui s'en prennent directement à Pony Boy, en fait. Le point de départ, c'est vraiment ça. C'est... Il s'est fait taper sur la gueule. Il s'est fait taper et on commence à lui mettre le couteau sous la gorge et tout ça. Et il là, a coupé. Il lui ça... coupe même. Et on sait que Johnny, donc Ralph Macchio, qui sera l'année prochaine Karate Kid. Ah oui, l'année suivante, il fait Karate Kid, le mec. L'année suivante. L'année prochaine, je pense qu'il en a déjà fait des Karate Kid. On sait qu'il s'est fait taper aussi. Oui. Du coup, il a des grosses marques sur les visages. Bref, c'est pas sympa. Ça démarre pas terrible. Donc, il décide d'aller voir un film au drive-in. Et oui, parce que le drive-in, c'est vraiment le truc où tous les jeunes y vont. Voilà. Fête. Il y a les nanas, sa moitié, sa viole. On comprend pas très bien. Il y a des nanas qui s'échappent des voitures. Ouais, c'était pas gay, les années 60. Ouais, puis ça fait vraiment... Le drive-in, tu sens que... Toi, t'as l'image un peu poétique de te dire « Ah, je vais regarder un film au plein air ». En fait, non, ça a l'air d'être méga mal famé, quoi. C'est hyper, hyper tendu, quoi. Donc, ils vont au driving. Donc, c'est Pony Boy, notre héros, Johnny, héros numéro 2, et Dallas, les méchants. Les méchants, les bad boys. Qui vont au driving tous les trois. Ils se retrouvent tous les trois là-bas. Ils voient deux nanas. Des sushis. C'est un peu Roméo et Juliette, finalement. Ouais, enfin, sauf que ça marche non, pas non, terrible. Non, non. Parce que direct... Ouais, mais là, direct, Dallas, du coup, donc Matt Dillon, il va faire du rentre-dedans à Cherry. Donc, le seul personnage féminin, on va dire. Hein, parce avec, qu'il en a pas, oui, avec des répliques. Ouais, c'est la seule qui parle et qui a un prénom. Donc, Cherry, qui est jouée par Diane Lane, qui aussi va avoir une bonne carrière après. et Dallas, donc il fait du rentre dedans. Alors vraiment, c'est hyper lourdingue. Hein. Ah oui, c'est horrible. Mais elle répond bien, je trouve. Ouais, elle a dû répondre. Pas faire, hein. C'est pas la, elle joue pas la petite nana. En tout cas, ils lui font pas jouer la petite nana qui rigole aux blagues, tout ça. Et elle est un peu en train de dire, oh ça va, ouais, dégage quoi. Tout à fait. C'est ton espace, mon espace. Voilà. Le consentement, c'est important. Oui, merci pour là. Avec plaisir. Donc voilà, il a. Elle arrive un peu à les chasser. Les deux jeunes, donc Johnny notamment, il intervient un peu en disant oh Dallas, vas-y, dégage. Donc on se rend compte que Cherry, avec sa copine, je ne sais pas vraiment si elle a un nom. Elles sont deux filles. Je ne crois pas qu'elle a un nom, la deuxième. En tout cas, on ne se rappelle pas de ce nom. Donc voilà, prénom. Donc Johnny et Ponyboy devient un peu copain avec ces deux filles, chat. Ça a l'air d'aller plutôt pas mal. Alors qu'ils ne sont pas du même milieu, ça a l'air de pas trop mal se passer. Mais voilà, ils se parlent, ils rigolent, machin. Cherry et Ponyboy, on comprend qu'il y a un petit truc, mais rien de. Voilà, il ne se passe rien de spécial. Ils rentrent à la maison, la soirée se passe, ils rentrent à la maison, et là. Un drame. Drame. Une voiture. Un drame pour de vrai, pour la peine. Là, c'est ah oui, c'est un gros drame. Il y a les sottises, donc les garçons sottises qui arrivent, qui veulent récupérer Cherry. On comprend être plus ou moins. Son ex, moitié, ou son mec, on sait pas trop. Chérie, même. Non. Je sais pas, c'est bizarre. Ils sont trop jaloux qu'elle soit avec les. Oui, ils sont bourrés, ça c'est bien souligné. Et du coup, voilà, ils sont un peu saoulés qu'elle ait traîné avec des greasers, enfin des graisseux. Donc ils vont aller un peu les intimider, leur faire peur, leur dire non, vous traînez pas. Et comme ils sont bourrés, ils essayent de noyer carrément dans la fontaine Ponyboy. C'est pas tout de suite, c'est après, hein. Mais en tout cas, ça fait ok, ciao, ciao. Et après, les pourchasses, ils essaient de noyer Ponyboy. Ils sont en train de taper Johnny, c'est parce qu'ils se retrouvent tous les deux. Ouais. Et Johnny, qui a les traumatismes d'être tapé déjà une fois, il a un couteau dans la poche. Il sort son couteau. Et il plante un des sottises. Il tue un des sottises, quoi. Ouais. Et là, j'étais scotché, quoi. Ah oui, puis ça arrivait assez vite, finalement, dans le film. Et tu te dis, d'accord. Donc le gamin, ok, 16 ans, il a planté... Après, il essaye de défendre son pote qui est en train de se faire noyer. On n'est pas en train de dire que c'est bien de tuer des gens. C'est une belle scène d'ailleurs, parce qu'on ne voit pas grand-chose. Mais c'est très joliment fait. Et puis tu as des effets de caméra, vraiment. Alors, c'est Francis Ford Coppola, hein, donc ce n'est pas non plus le mec qui arrivait avec sa petite caméra qui s'est dit tiens, je vais faire un film. Non, c'est Francis. C'est joli, quoi. Il y a le truc, notamment, une espèce de truc de plan subjectif. De Ponyboy qui se réveille avec la caméra qui suit son regard et qui défloute et qui voit Johnny avec son tremblant avec son couteau dans les mains, c'est magnifique. Et l'autre mec qui est mort. Et le mec qui est mort qu'on voit après avec des plans aériens, c'est très très beau. Enfin, donc, qu'est-ce que tu ferais, Pony? Paulin. Moi, qu'est-ce que je ferais à sa place? Oui, alors. T'es un jeune de 14 ans. Un jeune, et puis en plus, t'es 16 ans. Et t'es un graisseux. Donc tu sais très bien que de toute façon, les flics ils tombent déjà dans le collimateur. T'as rien. Mais tu es quelqu'un. Mais tu connais. Mais t'as un copain qui a l'habitude de ce genre de problème. Et c'est notre ami Matt Dillon, Dallas. Donc, direct, ils vont voir Dallas. Ils vont au bar où ils traînent pour lui dire qu'est-ce qu'on fait, quoi. Dallas, il leur donne de la thune. Des consignes. Un flingue. Il donne un flingue à Johnny. Un flingue. Et leur dit vous allez dans cette église-là, paumée au milieu de la campagne. Vous attendez que ça se tasse. Vous prenez de la bouffe. Vous chercher. Et attendez. Ne sortez jamais de là. Très bien, ils vont faire ça. Ils vont faire ça. Donc, petit trajet un petit peu long où on prend le train. Alors, ils se planquent dans le train, machin. Et ils arrivent à l'église et ils se planquent. Entre-temps, ils arrivent à te récupérer de la bouffe. Et pour passer inaperçu, Johnny s'est dit, tiens, on n'a qu'à décolorer les cheveux. Il décolore les cheveux de Ponyboy. Ponyboy, et en plus, il lui coupe. Alors, il coupe deux cheveux toutes pourries. En plus, ils font des coupes au couteau. Ouais, au couteau qui n'a pas l'air d'être super bien taillé. C'est assez horrible. Et surtout, Johnny, très choupi, il achète un livre. Autant n'emporte le vent, voilà. C'est vrai. Pour ne pas s'ennuyer. Et pour lire. Ce sont quand même des durs très choupis. Quoi. Ouais, parce qu'en plus, il demande à Ponyboy de lui lire, parce que lui, il ne sait pas lire. C'est plutôt mignon. Quoi. Et tous les deux, du coup, ça leur laisse beaucoup de temps pour échanger et notamment de montrer que ils sont dans ce milieu-là, donc ils ont un peu des obligations entre guillemets d'être viril, etc. Mais en vrai, ils ont de la poésie en eux, ils ont d'autres envies et ils savent pas comment faire. C'est trop beau. Pour rappeler quand même au tout début du film, on voit Ponyboy sortir du cinéma avec cette espèce de d'élan, il est content, il a vu un film avec Paul Newman et il est hyper heureux et tu sens que c'est un gamin en fait qui est pas amené à être là, qui aspire à autre chose quoi, qui a plein de poésie. C'est vrai. J'ai envie de pleurer. Et on n'est même pas à la moitié du film. C'est clair, pardon. Donc, pour speeder un peu les trucs, qu'est-ce qui se passe ? Dallas arrive, donc les gros méchants arrivent, ils les récupèrent, ils les amènent manger un burger parce qu'ils ont trop la dalle. Oui, anecdote rigolote, quand ils vont acheter un burger, sur le parking, il y a une gamine qui vient leur demander 20 centimes ou je sais pas quoi pour s'acheter à manger. Cet enfant, c'est Sofia Coppola. Non. Et voilà. Allez, anecdote, c'est gratuit ça. Sofia Coppola dans ses films. C'est la famille. C'est son frère qui fait la musique. Enfin, c'est la famille Coppola. Ouais, bref. Pardon, je t'ai interrompu. Donc ils ont pris un burger. Voilà. Donc ils ont pris un burger. Il revient à l'église et l'église est en flammes. Deuxième drame. Deuxième des 400. Et c'est pas juste ça les drames, c'est qu'elle est en flammes. Mais en fait, il y a des gamins qui étaient là en sortie scolaire, je crois. Ouais, sortie scolaire. Tu vas visiter une église abandonnée, c'est hyper bizarre. Quand même. C'est trop bizarre. Mais en tout cas, il y a la plupart des enfants qui sont dehors avec la maîtresse qui crie. Il y a des enfants à l'intérieur. Oh mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Pony Boy, il se lance dans l'église au milieu des flammes. Johnny, il ne peut pas le laisser tout seul, donc il se lance. Dallas il dit, putain, ça m'emmerde. Qu'est-ce que vous faites, bande de cons? Mais il se lance aussi. Ils y vont tous les trois, ils sortent les gamins, donc ils sauvent 4 ou 5 gamins, les tout petits. Pony Boy, il arrive à sortir, Dallas, il arrive à sortir, mais Johnny, il n'arrive pas. Il s'écroule sous les flammes. Oui, il y a une poutre qui lui tombe dessus, enfin, c'est très compliqué. Dallas, il rentre. Il sort, il le ressort de force. En fait, ils sont tous les trois à l'hôpital. Quoi. Oui. On les retrouve à l'hôpital. Tout à fait. Pony Boy, plus ou moins, il s'en sort. Il s'en sort pas trop mal, pourtant. Ouais. Il est de la fumée. Bon, il a le visage. Bon, après, noir. Dallas, ça va aussi, hein, mais juste, il est saoulé. Quoi. Oui. Mais Johnny, il n'est pas en forme. Il est brûlé, il ne sent plus ses jambes. Il est allongé, tête à l'envers, il ne peut pas bouger. Il a une brûlure sur le dos, très compliqué. Pas beau à voir. Par contre, ils ont une grosse annonce sur les titres sur les journaux en mode les héros. Oui, c'est les voyous héros. Je ne sais pas comment ils titrent le truc, mais genre, c'est des enfants qui ont été sauvés par des graisseux. Quoi. C'est vraiment hyper bizarre. Personne ne s'attendait ça, des graisseux. Sachant qu'on n'oublie pas que les deux, du coup, Pony Boy et Johnny, ils sont recherchés par la police puisqu'il y a eu un meurtre et qu'a priori, c'est eux les coupables. Donc, et qu'ils étaient censés faire profil bas. Donc là, c'est râpé. Oui, mais... Enfin, il me semble. Oui. Je suis pas enquêteur, mais je crois que ça va être compliqué. Et en plus, oui, c'est sûr. Mais ce qui est un peu expliqué dans cette partie du film, c'est de toute façon, puisque vous êtes devenus héros, ils peuvent pas, vous êtes jeunes, vous êtes mineurs. Ouais, ça devrait mieux passer. Vous êtes héros. En plus, Cherry, donc la fille, la fameuse fille du début... elle a décidé de témoigner. Oui, pour les défendre, pour les dire qu'effectivement les autres étaient agressifs et bourrés et qu'ils étaient en légitime défense. Oui, chercher la bagarre. Donc voilà. Donc Pony Boy, il rentre à la maison. Il y a un super câlin entre frères qui est trop touchant, je trouve. Les grands frères qui arrivent, qui étaient hyper durs avec lui, ça se passait trop mal. Ah, gros câlin. Et un gros câlin avec Patrick Swayze. On a tout simplement envie de ça. D'ailleurs, on a besoin de ça, me disais un truc. Ils sont très tendres, en fait, physiquement. Oui, c'est vrai. C'est très étonnant, moi. Oui, il y a une scène où ils dorment ensemble, ils se font un câlin. Enfin, c'est très, mais c'est très touchant. Ils sont très touchants. Finalement. Mais en fait, je me dis, j'ai pas trop vu ça dans des. Je me demande si j'ai déjà vu des films, des scènes où il y a un petit frère, un grand frère, et les grands frères ils demandent au petit frère dans les lits, t'as froid, et il l'enlace pour lui faire chaud. Oui, il n'y a pas pudeur. Enfin, il y a vraiment un vrai amour physique fraternel. C'est très beau. Très beau. Bref. Oh là, on va pleurer. Avant mais moi, j'ai pleuré à ces films. Non, vraiment, j'ai trop chialé. Bref, tac, tac, tac. Ils repartent, ça va. Mais ce qu'ils s'organisent, c'est qu'en fait, les Sochis, ils cherchent des vengeances pour ce gars qui a été tué. Oui. Les graisseux, ils disent eh ben, la bagarre, on adore. Oui, ils se donnent. Et avec vous, bien sûr. Donc, ils se donnent un rendez-vous. À minuit. Bonne bagarre, des familles. Peut-être pas minuit, mais la nuit. Dans un champ abandonné, ils décident, donc ils se donnent des règles, pas d'armes. Ouais. Et on va se taper des sous. Ouais. Donc, tout comme ils font, a priori, ils ont l'air de faire ça de temps en temps. Et là, c'est histoire d'honneur, quoi. Il ne faut pas perdre la bagarre parce que c'est là que ça se joue, quoi. Voilà, donc ils sont tous chargés à bloc et la soirée arrive assez vite. Alors, avant cette soirée-là, il y a un moment assez, assez troublant où il y a des Sochis qui récupèrent, enfin qui trouvent Ponyboy et qui discutent avec lui, en lui disant, qui était là le soir du meurtre où ils ont essayé de le noyer, etc. Et où il dit, okay, c'est très dur pour nous aussi. Enfin, en gros, il se dévoile en disant, voilà, il y a effectivement cette confrontation qu'on a entre nous. Mais pour nous, ça a été aussi très, très dur, très, très, très dur à vivre. Donc, on n'a qu'à dire que ça va mieux, quoi. Ouais. Bon, ça n'empêche pas qu'ils vont quand même tous se foutre sur la gueule parce que... Oui, on se rend compte que c'est des groupes qui sont plus gros que... Nous, on connaît le petit groupe des graisseux, là, des 4-5, mais en fait, c'est des gros groupes. Hein. Ils sont tous une vingtaine, voire plus. Parce que quand ils vont faire la bagarre, ils sont... Ils sont nombreux. Donc, ils font la bagarre. Et peut-être on arrête là, non ? Je dis la fin ou pas ? Ah, sinon, on n'a qu'à se regarder, la bagarre. Ah oui, on peut regarder la bagarre. Allez. On va faire notre commentaire. On va faire un petit commentaire sur la bagarre. Monsieur Kenan, ah pardon, bah oui. Voilà, ça y est, c'est parti. Cascade ! Sale toi, ils sont chargés. Ils en peuvent plus. Ils sont à la fois hyper contents, ils s'embrassent, ils sont trop contents d'aller faire la bagarre en fait. C'est un vivant. T'en as, ils vont au manège, ils sont contents, bah c'est la bagarre. Et puis comme coup. C'est la musique qui est pas mal. Elle est chargée. Oui, c'est des musiques un peu rockables. Il y a des musiques qui sont sympas dans ce film. C'est très bizarre. À part les débuts. Ouais, bon, on revient à l'action. Alors. Pas bien. On se retrouve. Les voitures désossées, les feux, on jette des caisses. Ils s'attendent. Voilà. Petite anecdote, premier jour où ils ont tourné, il s'est mis à pleuvoir. Du coup, ils ont décidé de mettre de la pluie tout le temps. Puis les jours suivants, ils ont retourné, ils ont remis de la pluie. Ah ouais ? Combien de jours ? 3 jours. Waouh. Bagarre de 3 jours, t'imagines ? Angoisse. Et alors c'est une bagarre, on va le voir, ça s'est passé des trucs. Hein. Alors ces personnages-là qu'on voit là, Timmy... C'est un autre graisseux en fait. Oui, mais il est un peu secondaire, mais c'est un peu le grand chef, j'ai l'impression. Peut-être qu'ils ont des quartiers, tu vois, les graisseux. Ah le quartier, oui. Peut-être. District. Oh, les Sochis arrivent. Ouh là là, on a pas trop qui les regarde. Là, Ponyboy, il s'est chié dessus. Ouais. On le voit trop dans avec ses, petits cheveux blonds, là. Bah direct tu vois les belles bagnoles qui arrivent là. Oui parce que les graisseux ils ont des bagnoles mais elles sont moins classe. Hein. Ah ouais. Et là. Et eux ils sont tous. Alors que les graisseux ils arrivent à pied, eux ils viennent en bagnole. Oui en plus ils sont déjà tous bourrés. On fait j'aime bien ces travelling sur tous les visages des graisseux, c'est pas mal. Là Tumi il est trop bien. Il est chaud. Patrick Swayze. Ah lui si c'est pas mal hein. Et Tom Cruise avec des dents toutes pourries. Ouais. Ah voilà, Patrick Swayze dit à son petit frère, tu restes à côté de moi, oui. On peut s'en sortir, on est égal dans le sens, il y a les mêmes nombres de gens, je pense. Et là c'est chaud. Alors là, donc on jette canette. Hein. Jette canette à chaque fois. Tant dès qu'il y a une bagarre, on jette une canette et après on va se battre. C'est vraiment un gimmick des années 80. C'est toujours les méchants qui jettent. C'est dans lesquels on ne se reconnaît pas. Ça fait. Ah, d'ailleurs, ouais, ça c'était pas mal là aussi. Qui se connaissent, les deux chefs, Patrick Swayze et donc les graisseux et les Sochis, ils se connaissent parce qu'ils ont fait du football ensemble. Et, oui, apparemment dans le livre dont c'est tiré, c'est plus. Développé. Ouais. Bon, petite parlotte un petit peu pour faire genre. On est amis. On fait quoi. Genre, ok, on donne des bases. Alors qu'en fait, on va juste se foutre sur la gueule. Hein. Donc, dans toutes les guerres. Et là, il y a Dallas qui arrive. Dallas, grosse patate, c'est parti. Allez, c'est la bagarre. Et là, il y a déjà de la bouffe. Allez, un coup de dans les dos. Là, on s'acharne sur un mec au sol. Oh là là, saute tout le temps. L'eau qui arrive. Allez, on saute par-dessus la voiture. Allez, là, t'as un peu faux, mais bon, c'est bon. Aïe. Allez, des coups des pieds, des coups des poings. Il y a de la bagarre. Allez, Tom Cruise qui met un petit crochet. Oh, bon vent. Oh, t'as deux. Oh là là. Oui, il arrête. Allez, grosse patate dans la mâchoire. Un autre bam de Patrick Swayze. Patrick Swayze aussi, c'est joli. Allez, Matt Dillon. Waouh, bravo, Matt Dillon. Allez, mec, on se l'a coupé. Ah non, tout vite. Ah, ah. Celui-là, ça fait trop peur. On a trop l'impression qu'il s'est pris un gros. Ah, je pense qu'il y a des vrais coups qui sont partis. Ah, pas bah, possible. Tiens. Ah, par derrière, ah, c'est pas joli. Oui, joli. Joli. Tom Cruise nous a fait une magnifique prise de judo. Mais il se prend une patate. Allez. Ah, il s'est cassé en dents. Retourne au trop beau, c'est lui. Et Matt Dillon, en fait, il fait des grosses moments. Ouais, il fait des grosses cascades aussi, quand même. Allez, bam, allez. Un coup, un autre coup. En fait, ils sont trop forts. Ça, ça s'arrête jamais, hein. Voilà. Et là, on comprend plus trop on si c'est un peu vraiment entre ennemis ou pas. Ouais, ouais, avec la boue et tout, ça devient compliqué de savoir qui est qui. Hein. Ils auraient dû mettre des maillots de couleur, on aurait compris. Là, c'est pas mal, les deux attaques là. C'est pas mal. Alors, du coup, on n'a toujours pas revu Pony Boy. Hein. Pony Boy, il a éclaté au début. KO dès le début, quoi. Ah, alors, ça c'est bon. Allez, Tom là, il a redonné. Tom, il enchaîne un gars. Il est à fond. Il a pris les uns après les autres. Et là, ah ouais, là ça y est, là ça va en retraite, hein. Là les Sochi sont en train de se barrer. Ils sont en train de se barrer. Pony, ça va? Ça va. Ça va comme ça, quoi. Va savoir où il est. Ouais, là ça sent la fin, là. Et là, c'est trop cool. Ils ont gagné. Ouais, bah oui, là, ouais, voilà, tout le monde s'en va petit à petit. Le chef part, donc là c'est bon. Ah ben, si les chefs partent. Et la bataille, il récupère son frère. C'est comme un videur de bar, bien les derniers. Ah. En fait, Pony Boy, il a été KO dès le début. Elle a été KO tout le long. Mais là, c'est la fête. Et Tom Cruise lève les bras, il sautille sur lui. C'est vrai que Tom Cruise, là, il fait... Ah, il est content. Quand, dès qu'il y a de la bagarre, dès qu'il y a de l'action, c'est un peu sa passion. Et là, ils sont trop contents. Dès qu'il fait exulter. Tu vois, tu vas te dire, ils vont se refoutre sur la gueule entre eux juste parce qu'ils sont contents, en fait. Ah, pauvre Pony Boy. Et Pony Boy, qui est récupéré. Par Dallas. Dallas, oui. Pas... Et donc voilà, on va pas finir, on va pas faire la fin. Ah, on fait pas la fin ? Si, on ruine la fin. Ah non, allez, on va pas. T'as raison, parce que là, c'est vrai que là, on était à plus des trois quarts du film, mais après, c'est. Déjà, on vous a bien spoilé, le truc, mais après, du coup, ça s'enchaîne. Donc ça continue. Donc ce film-là, en plus, c'est un film de Francis Ford Coppola qui a été adapté d'un livre de Susan Hinton. Qui a quand même pas mal inspiré Coppola, parce qu'en fait, lui, il a fait The Outsiders, et dans la foulée, il fait Rusty James, qui est aussi adapté de Susan Hinton, avec Matt Dillon et Diane Lane, qui étaient déjà dans The Outsiders. Attends, Susan, c'est une fille ? C'est une femme ? Susan ? Ben ouais. Ah oui. D'accord. Non, je ne m'attendais pas du tout que ça soit écrit par une femme. Et ouais, c'est écrit par une femme. Et apparemment, ça fait partie des trucs genre que les Américains, ils étudient à l'école, parce que c'est un classique de la littérature américaine, apparemment. Mais tu m'étonnes. Après, c'est vrai que tu sens le drame, quoi. C'est vraiment comme un drame shakespearien, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc... Bah, les deux bandes, les riches contre les pauvres qui sont gentils, mais en même temps, ils tuent des gens pour se défendre. Ils n'ont pas d'autre possibilité que de faire ça, quoi. Après, en plus, c'est un peu la période où il y a tous ces films de jeunes, quoi. De la nouvelle jeunesse, comment tu racontes la nouvelle jeunesse au cinéma, quoi. Tout en disant que c'était dans les années 60. Tout à fait. Mais c'est pour faire les échos, tu vois, American Graffiti, tout ça. Mm. Eh oui. Eh oui. Mais dans tout ça, Tom Cruise. Tom Cruise. Alors voilà. Bon, ça, c'est un peu... C'est un petit peu le petit bémol, hein, de cet épisode. C'est que c'est vrai que Tom Cruise, on le voit pas beaucoup, beaucoup. On le voit pas du tout, je dirais. Ouais, il a trois scènes, quoi. En fait, c'est que les scènes où ils sont tous ensemble qu'on le voit. Oui. Après, son caractère, on le capte quand même assez vite, hein, finalement. On voit que lui, c'est un peu aussi... C'est le teigneux, quoi. C'est un peu le teigneux de la bande. Parce qu'il est hyper tonique. On le voit trois fois, mais il fait deux saltos, quand même. Il fait deux saltos arrière de la bagnole. Je dois dire, j'étais assez contente de voir ça. Et je pense que les premiers, il s'est vraiment raté. Je pense qu'il s'est pris un gros coup de tête, mais qu'il continue. Et c'est Patrick Swayze, hein, qui, du coup, lui a appris à faire des saltos. Hein. Trop choupi. Parce que Patrick Swayze, on rappelle quand même que là, il n'est pas encore méga connu. Mais par contre, c'est vrai qu'il était. Il était danseur et tout ça. Et physiquement, il fait des trucs. C'est là qu'il fait un truc de. Une espèce de rondade au-dessus d'une barrière très très élégante avec les pieds bien tendus. Moi, je dis 10 sur 10. Oui, 10 sur 10. Et dans la foulée, Tom Cruise fait un salto aussi parce que une fois qu'il en a fait un, il peut en faire un deuxième. Surtout parce qu'il vient de voir que Patrick Swayze, il a fait ça. Il fait mais moi aussi, mec. Je peux faire un salto. Tu viens de me l'apprendre en plus. Donc voilà, Tom, à part dans la bagarre, je veux dire, après, et les deux saltos, il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose à dire, sûr. Non. Ouais, voilà. Bon, bah. C'est fini. Allez, bonnes oreilles. Non, mais c'est, après, qu'est-ce qu'on peut, on peut raconter ici? Il y a quand même quelques petites anecdotes sur comment. Vas-y. Ça, c'est des anecdotes foireuses. C'est quoi tu trouves dans les fins fonds d'Internet? Je ne sais même pas qui a écrit ça. La moitié, c'est sûrement quelqu'un en interview qui a voulu se faire mousser. On sait que t'aimes bien ça. Mais moi, j'aime bien ça. Du coup, alors, petite anecdote. Quand ils ont fait le tournage à Tulsa, ils étaient tous logés, tous les jeunes, à l'hôtel. Et Francis Ford Coppola, qui est un petit peu vicieux quand même, il a dit, on va mettre tous ceux qui interprètent les Sochis dans les super, suites. On va leur donner des beaux scripts avec des reliures en cuir, etc. On va les mettre bien. Et les graisseux, on va les foutre dans les chambres les plus pourries et le script feuilles volantes et tout ça, démerdez-vous, un peu pour commencer à mettre de l'attention. Génial. C'est fou, hein. Comme quoi. En même temps, je sais pas. Mais du coup, ça, bah, c'est vicieux. Mais c'est, voilà. Et après, apparemment, l'ambiance était quand même très bonne, ce qui fait qu'ils ont foutu le bordel dans l'hôtel pendant les 3 mois du tournage. Et que des années plus tard, quand Tom Cruise reviendra tourner dans le coin et qu'il redescendra à l'hôtel, il ira s'excuser en disant, ouais, c'est vrai que quand on était là, tous, on a un peu foutu le bordel. Et ça, c'est Tom tout craché. Voilà, ça, par exemple, ça sent la bonne anecdote foireuse quand même. Juste pour faire mousser Tom Cruise. Ah oui. Mais non, mais pas l'effet qu'elle fasse. La bagarre, ouais, je pense qu'ils se sont foutus. Alors la bagarre, ça paraît, ça a été un vrai problème parce que notre ami Thomas Howell qui fait Ponyboy, il se prend la première patate. Enfin lui, il prend les premières droites. Il se prend un gros coup et apparemment, il s'est vraiment pris le coup. Et en fait, il a été KO pendant toute la scène, quoi. Mais première fois. Oui, pour la première scène, il n'avait pas bougé en fait parce qu'ils l'ont séché et il s'est relevé à la fin de la prise, quoi. Compliqué. Donc c'est ce qu'on a gardé sur le début et la fin, ouais, c'est impressionnant. Et après, il y en a eu plein en fait qui ont eu des bleus parce qu'ils se sont ratés une fois sur deux, ils se mettaient des vraies mandales. Non mais là, avec la boue et tout, comment tu... c'est impossible. Et Tom Cruise, du coup, il s'est vraiment fait mal à la mâchoire. Ils ont dû l'emmener chez le dentiste pour qu'il lui refasse la mâchoire parce qu'il s'était pété, quoi. Ah ouais. Et on commence pour Tom Cruise, c'est les injuries. Injuries ? Non, les blessures. Les blessures de cascade. Des cascades. Là, il a même pas. Il a plus de cascades que de textes. Il a plus de blessures que de textes, je pense. Oh oui. Et du coup, alors je sais pas. Je pense que ça doit être dans cette période-là qu'il se fait refaire les dents parce qu'il y avait des problèmes de dents clairement avant d'avoir ce sourire magnifique et brillant. On le verra dans les prochains films. Et je pense que dans le prochain film, on verra ses dents. J'espère qu'on verra ses dents. Je sais pas. J'espère qu'on verra que ses dents, par contre. J'ai pas envie de voir le reste. Pendant qu'il était à l'hôtel, Tom Cruise, il était en train de bosser sur son script de Risky Business. Donc du coup, qui va tourner l'année d'après, je crois. Ah bon? C'est l'année d'après? C'est l'année d'après, Risky Business. 84? Ouais. Et du coup, tant qu'il est là et qu'il bosse sur son script, il va voir Diane Lane en lui disant « Hey, tu voudrais pas venir jouer avec moi à Risky Business, quoi ?» L'autre, il commence déjà à faire genre... les patrons, quoi. Tu vois un peu le truc où il se dit « Ah, mais moi, je peux les avoir tous un par un. » Alors que c'est son deuxième film, quand même. Mais c'est clair. C'est fou, hein. Non, mais il avait déjà en mentalité, probablement, il était très focus. Je veux dire, ces films-là, il ne pouvait pas trop se la péter. Ah ouais, mais après, il avait envie, je vois, par rapport à ce qu'on disait au dernier épisode, il avait vraiment envie, parce que là, il avait auditionné pour tous les rôles de tous les graisseux, en fait. C'est vrai ? Ouais, il avait tout testé, tous. Il était venu, en fait, à l'audition avec Emilio Estevez, qui était un copain à lui. Et du coup, il en a profité, il a dit « Ah, mais moi, je veux absolument jouer, machin, non, non. » Puis c'était Francis Ford Coppola qui avait déjà fait Le Parrain 1, Le Parrain 2 et Apocalypse Now. Ouais, t'as un petit peu envie d'aller jouer, quoi. Tu peux voir ce qu'il va te faire. En plus, il prankait des jeunes américains. Voilà, bien sûr. Il y avait des rôles pour tout le monde. C'est ça. Alors, une petite dernière anecdote. Ouais, avant qu'on... Parce qu'on n'a pas grand-chose à dire sur Tom, donc on va se faire des petites anecdotes. Alors, anecdote. Donc, Francis Ford Coppola... Quand il tourne The Outsiders, il sort d'un échec cuisant. Il avait fait Coup de cœur, un film qui n'a pas du tout marché, mais vraiment un gros four. Il n'avait pas encore fait Le Parrain 3. Et du coup, il se dit, bah, je vais me relancer, je vais faire un truc qui va donner envie. Donc, il va récupérer les bouquins de Susan Hinton. Donc, The Outsiders et Rusty James. Et il se dit, bah, comme c'est populaire, ça va remarcher, quoi. Et ce qu'il avait fait aussi, entre-temps, c'est qu'il avait monté une boîte où il faisait du vin. Et ça lui a permis de renflouer les caisses. C'est vrai, par les vins. Et ouais, parce qu'il avait pu, et comme il y avait des prods qui n'avaient pas trop marché, et ben avec le pinard, ça a marché. Et ben, quoi, ça m'étonne pas. Le pinard, ça marche mieux que le ça cinéma. Ça marche, tu vois, toujours. On se plaint, on dit toujours les vedettes du cinéma, ils ont plein d'argent. Et non, on ne pense pas du tout. Les vignerons, enfin. Non, c'est pas vrai, on dit n'importe quoi. Mais d'ailleurs, ça m'a fait penser, est-ce que c'est... Et il y a eu du succès, ce film. Comment on est au box-office? Alors, The Outsiders, il a coûté 10 millions. Pas beaucoup. C'est pas trop cher, c'est plutôt pas mal. Et il a rapporté 33 millions 7. Ah, mais finalement, c'est bien, en fait. Ah oui, c'est pas mal. Ça fait un petit peu comme Taps, en fait. C'est à peu près le même truc. En fait, je pensais que c'était un flop. Bah, c'est pour Coppola, ça fait pas, ça fait peut-être pas énorme, mais c'est correct. Hein. Ouais, c'est sur une petite production, non, c'est plutôt pas mal. Moi, je dois juste... je vais pas spoiler la fin, mais il y a juste un effet qui est vraiment des années 80, de la fin, que j'ai détesté. Qui m'a fait le moment de la lettre, j'en dirai pas plus. Oui, bon, mais oui. Horrible, horrible, horrible. C'était encore quand on ne pouvait pas utiliser juste la voix off ou la voix du personnage. On doit voir l'image qui apparaît dans les cadres. Horrible. Et surimpression. Horrible. Oui, non, ça c'est pas très heureux. Horrible. Je veux dire, juste ça. Bah oui, bah après il y a d'autres qui sont très beaux. Bien. Ouais. Ouais. Au final, oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit ce qu'on en avait pensé, mais. Bon, moi, j'ai passé un bon moment, j'ai pleuré. Trouver les garçons touchants. C'est ça. Après, c'est des gros connards hein, aussi. Hein. Il faut dire très macho et tout, mais les petits... bon, voilà, c'est très teinté de tendresse et un peu inattendu. Voilà. Bon, après, ça, on est d'accord quand même, ça manque de Tom Cruise, clairement. Plus de Tom Cruise, ce film aurait été merveilleux. Mais oui. Et peut-être qu'il y aurait eu un Oscar. Ah, on n'a pas fait le point Oscar. Est-ce qu'il y a des Oscars autour? Eh ben. Il y a Francis Ford Coppola quand même. Matt Dillon, il aura un Oscar plus tard, non? Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas du coup. Pas trop. Ah, on n'a pas regardé sur qui avait des Oscars. Bah, moi, je me suis arrêté à Coppola, en fait. Alors, Coppola, ça commence. Parce qu'on va voir quand même que dans la carrière de Tom Cruise, avoir des réalisateurs dans son tableau de chasse, entre guillemets, c'est pas mal. Et là, deuxième film, tu démarres, t'as Francis Ford Coppola, comme ça, c'est réglé, quoi. C'est pas mal. C'est pas mal. Ils retourneront plus ensemble. Mais bon, tu peux dire, j'ai tourné avec Coppola. Oui, c'est vrai. Mais par contre, il a. Les futurs Karate Kid, les futurs Dirty Dancing, plus Ghost, que je sais que toi, t'aimes pas trop, mais quand même. Break, si tu préfères, c'est peut-être mieux quand même. Après, il y a qui les futurs. Dylan, c'est Rusty James aussi. Voilà. Et plein d'autres films, plutôt pas mal. C'est clair. Les futurs Breakfast Club. Oui. Esteves, qui fait les petits champions surtout. Et oui, les petits champions. Je dirais, c'est un peu tous les stars des années 80. Ben oui, c'est vraiment les futures vedettes, quoi. C'est tous ceux qui ont été appelés par un des journalistes de l'époque. Ils appelaient ça le Brat Pack, en référence au Rat Pack de Sinatra. Ils disaient, en gros, ça va être les futures vedettes de Hollywood, c'est eux. Notez leur nom, ça va y aller. C'est impressionnant. Bon, tout ça, c'est bravo, sympa, mais il y a un truc qu'on n'a pas, pas encore décidé. C'est finalement, est-ce qu'on n'utiliserait pas notre cruisomètre? Oui. C'est l'heure du cruisomètre. Alors, le cruisomètre, c'est quoi? C'est toujours le même truc, un petit peu flou, on ne sait pas trop. On parle pas vraiment du film, pas vraiment du personnage de Tom Cruise. On parle un peu de. Voilà, on est à la fin de la séance, on a regardé ce film, on a vu Tom Cruise dedans. Qu'est-ce qu'on met comme note de 0 à 100 après ce film? Bonne question. Oui, c'est compliqué, là. Ah oui, là, c'est moins facile que le précédent film où il était plus présent. Ouais. Alors moi, je dirais 20%. Ouf, 20. OK. Ouais, pas beaucoup, parce que... Bon, il a tourné avec Coppola et avec tous ces gens. Je vous dirais, je crois qu'il entretient... Il doit bien apprendre quelque chose de tous ces gens-là. Oui. Ah bah oui. Mais... Il n'y a pas grand-chose à faire. Mieux vaut. Est-ce qu'on met, c'est un réalisateur italien qui est dans un film, il disait, est-ce qu'on me remarque plus si je viens et je reste à côté ou si je viens pas? C'est un peu ça, quoi. Peut-être ça bien, s'il n'était pas là, je ne sais pas. Après, quand il est là, qu'il mange du chocolat, il mange du gâteau au chocolat, il en a plein la bouche, tout ça. C'est pas mal. C'est complètement dingue, mais en fait, ça définit un truc. Et puis après, il est encore dans ce truc où il met de l'intensité dans tout ce qu'il fait, quoi. Le moindre truc qu'il fait, c'est... C'est comme si sa vie en dépendait. C'est impressionnant. Hein. Il est encore hyper tendu. Alors, toi, tu dirais quoi? Alors, moi, j'ai un autre critère, mais moi, je mettrais 19. Tu veux toujours être un peu moins que moi. J'essaye de me garder de la réserve encore un petit peu. Et 19, parce qu'en fait, je voulais mettre 10% par salto arrière. Et comme il en fait deux, j'allais mettre 20%. Mais le premier est un peu raté. Donc, je mets 9% pour le premier et 10% pour le deuxième. Ah. Donc, moi, je mets 19% sur le cruisomètre pour... Notre ami Tom, à cause des. Enfin, grâce au salto, quand même. Qu'est-ce que je dois dire? Faut une bonne Ah bah ça nous a excité un peu. Moi je t'avoue que j'attendais que ça. Quand il en fait un, j'en veux un autre. Et il est généreux. Il est la fin de deuxième. Mais c'est tout homme, ça. C'est lui. Voilà. Tom, c'est la générosité. Et alors, les Rotten Tomatoes ? Eh oui, du coup. Les as décidé ? Oui, je les ai. Bah, oui, oui. Bah, Rotten Tomatoes, un petit peu comme le dernier épisode, hein, 63%. C'est même exactement comme le dernier épisode. Et, et 3,7 sur 4 pour les notes hallucinées des spectateurs. Sur 4, pas sur 5. Sur 5, pardon, sur 5, toujours. Mais donc, comme la dernière fois, ouais, pareil, pareil, identique. Bah ouais. Eh ben. Deux succès. Deux succès, deux. Pas mal, pas mal. C'est pas mal, c'est plutôt correct. Bon, alors, est-ce que tu as. Le moment que tu aimes bien, est-ce que tu as une recommandation à faire suite cette à. Cette fois. Et cette fois-ci, t'en as une. Alors, vas-y. Oui. Alors, moi, je conseille les Breakfast Club. OK. Parce que j'aime bien. Et bon, teenage film années 80, on est en plein dedans, allez-y, quoi. Ben ouais. Si vous avez. Je regarderai du coup. Moi, je l'ai vu il y a longtemps. Après, je sais attention, pas. Attention. Attention. Ça, c'est la mémoire de Serena qui vous donne une recommandation. C'est pas... ouais, peut-être qu'il y a du machisme. Je sais pas. Ce serait surprenant qu'il n'y en ait pas. Mais je sais pas. Je me rappelle. Mais j'ai un bon souvenir. J'ai un bon souvenir. Écoute. Tout à fait. Et Grise. Et oui. Moi, j'avais dit dire Grise. Et oui, parce que la Grèce. Parce que la Grèce, c'est la même ambiance, parce qu'il y a un peu... On pourrait imaginer que Francis Ford Coppola tournait à... Oui, Grise en version un peu sombre. Sous LSD. Ouais, c'est pas faux. Parce qu'en réalité, il y a rien de sombre, personne n'est tué, mais voilà, ouais, il y a la même... jeune des Sochis qui tombe amoureuse du gars. C'est pas faux. Bon, et un peu, c'est rigolo. Voilà. Et toi, est-ce que tu as des recommandations? Ben moi, je vais profiter qu'on ait un film avec Ralph Macchio dedans, qui, du coup, comme tu as dit tout à l'heure, va faire l'année d'après Karate Kid pour recommander Cobra Kai. Cobra Kai, c'est une série qui passe en ce moment sur Netflix. Et c'est sur, en gros, Cobra Kai 30 ans après. Et c'est plutôt surprenamment très, très bien. Et moi, je pensais que c'était nul, tu vois. Je ne l'ai pas vu, hein, mais ben, en fait, ça ne m'a pas donné envie. Je me suis refait Karate Kid. Et du coup, tu vois tous les défauts plusieurs années après. Et en fait, en regardant Cobra Kai, ils utilisent un peu tous les défauts de Karate Kid pour faire une série qui est hyper chouette. Trop bien. Bon, après, j'ai pas fini, hein, peut-être que ça va être pourri après, mais pour l'instant, ça va. Très, très bien. Alors, bon, alors on va se quitter, on se mettra une petite musique qui va bien. On vous dit de penser à vous abonner sur les plateformes classiques Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, et après il y en a d'autres que j'ai encore oublié. On a toujours pas de Twitter, on a toujours un Instagram, mais travaillez dessus, vous inquiétez pas, on va le faire. Regardez le prochain film peut-être. Ah oui, vous pouvez regarder le prochain. Je sais pas. Donc dans deux semaines on se retrouve, on va regarder et parler de Losing It, donc American Teenagers. Ouais, American Teenagers. Voilà, faites en ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Si vous avez aimé le podcast, vous en parlez autour de vous. Si vous n'avez pas aimé, vous parlez d'autre chose. Grise. Ouais, de vous parler de Grise. Ça, c'est cool. C'est si vous faites ça, c'est sympa. Nous, ce qu'on vous fait, c'est qu'on vous met la petite musique de générique du début. C'est étonnant. C'est étonnamment bizarre. Faites par Stevie Wonder. Et puis, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. But can it be when we can see so vividly a memory? And yes, you say so must the day to fade away and leave a ray of sun. So yet filled with sorrow and compassion, though not imagined, all things that happen will age to old.